Oui, prince. Tu me plais. Viens me voir. Je bourrerai tes poches d'argent et nous irons chez Anastasia Philippovna. Écoutez bien ce langage du cœur, prince. Et ne laissez pas échapper une pareille occasion. Je vous remercie, monsieur Rogojine, de la sympathie que vous me témoignez. Je dois vous avouer que, bien que vous ayez une figure morose et un méchant sourire, vous m'avez également plu. Surtout lorsque vous m'avez raconté l'histoire des boucles d'oreilles. Alors tu viendras, prince. C'est promis. Je viendrai. Et peut-être ce soir même, car, à dire vrai, je n'ai pas un copec sur moi. Tu auras tout l'argent que tu voudras. Vous en aurez, prince. Vous verrez. À propos, êtes-vous amateur du beau sexe? Moi? Vous ne savez peut-être pas qu'en raison de ma maladie, je ne peux connaître les femmes. S'il en est ainsi, tu es un véritable bienheureux, prince. Dieu aime les innocents comme toi. Alors, à ce soir. Et toi, gratte-papier, c'est moi. Arsène Rogojine me serra la main et, accompagné de M. Lebedev, quitta le compartiment. Ses amis se jetèrent sur lui et le portèrent triomphalement vers la sortie. Moi, je demeurai encore un moment dans le train, puis je me rendis chez le général Yepanchin. Il était près de 11 heures lorsque je sonnai à la porte du général Yepanchin. Un domestique en livrée m'ouvrit. Je dus m'expliquer longtemps avec cet homme qui jetait des regards soupçonneux sur moi et sur le maigre bagage que je tenais à la main. Enfin, lorsque je lui eus dit mon nom, il se décida à me remettre entre les mains d'un autre domestique, un huissier. Ce dernier, à son tour, me questionna avec hauteur. « Vous voulez voir le général lui-même ?»« Oui, je voudrais voir le général pour une affaire urgente. » Je ne vous demande pas de quelle affaire il s'agit, cela ne me regarde pas. Mon rôle est d'annoncer les visiteurs. Et cependant, je... Comme le premier domestique, il me scruta attentivement et son visage s'assombrit encore. Est-il vrai que vous rentrez de l'étranger? Oui, j'arrive à l'instant de la gare. Et puis, je vous demandais si vous êtes venu solliciter un secours. Ah non, il s'agit de toute autre chose. Alors, c'est bien. Attendez le secrétaire du général, il décidera. Et quand le secrétaire viendra-t-il, s'il vous plaît? Dans une heure environ, mais il se peut qu'il soit en retard. Cela ne fait rien, j'attendrai. Puis-je fumer? J'ai ma pipe et du tabac. Fumer? Vous voulez fumer ici, à quelques pas du cabinet de travail de son Excellence? Mais non, vous ne pouvez pas le faire, vous devriez avoir honte rien que d'y penser. Oh, mais ce n'est pas ici que j'aurais fumé, je serais sorti un moment. Eh bien, on peut dire que vous avez de la chance. Voilà le secrétaire de son Excellence, Gabriel Ardalionitch. Lui, il décidera. L'huissier alla à la rencontre du secrétaire et se mit à lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Ce dernier l'écouta un moment, puis se tourna vers moi et me regarda avec curiosité. Gabriel Ardalionitch était un beau garçon, taille au-dessus de la moyenne, barbiche à l'impérial, visage intelligent. Un sourire affable ornait sa lèvre mince, mais son regard, lui, était fixe et scrutateur. Quand il est seul, pensais-je machinalement, il ne doit pas rire. Si j'ai bien compris, vous êtes le prince Mishkine. Parfaitement, monsieur. Alors, c'est vous qui avez écrit de Suisse à madame la générale. Attendez, il y a de cela un an environ. Oui, c'est moi. Madame la générale se souvient certainement de vous. Elle a une excellente mémoire. Vous venez voir le général. Eh bien, je vais vous annoncer. Veuillez patienter un peu. Pour le moment, le général est occupé. À ce moment, la porte d'en face s'ouvrit, et un colonel, tenant une serviette sous le bras, sortit rapidement. Gabriel Ardalionitch me fit un signe et entra dans le bureau du général Yepanchin. 2 minutes plus tard, je me trouvai devant ce dernier. Asseyez-vous, prince, s'il vous plaît. En quoi puis-je vous être utile? Je me suis permis de venir chez vous uniquement pour faire votre connaissance. Oui. J'ai vraiment trop peu de temps pour nouer de nouvelles relations. Mais comme probablement vous avez un but... Je savais d'avance que vous alliez prêter à ma visite un but particulier. Cependant, je vous prie de le croire, je n'en ai aucun. À part le plaisir de faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour moi, prince. Mais on ne peut vivre des seuls plaisirs. Et je vous avoue que je ne m'explique pas la vraie raison de votre visite. Il n'y a aucune vraie raison. Ce n'est pas parce que je suis le prince Mishkin et que votre épouse, la générale Yepanchin, appartient à la même famille que... Et pourtant, tout mon prétexte est là. J'ai quitté la Russie il y a 4 ans, général. J'étais en pleine possession de mes facultés mentales, mais déjà alors, je ne savais pas grand-chose du monde. Et maintenant, après ma maladie, j'en sais encore moins. J'ai besoin de la société des gens de cœur. Lors de mon voyage, j'ai pensé tout le temps à vous. Les Yepanchin sont presque mes parents, me disais-je. Commençons par eux. Je vous remercie d'avoir pensé à nous, prince. Où êtes-vous descendu? Mais nulle part, général. Donc, vous êtes venu directement chez moi? Oui. Oui. Et vous avez des bagages? Non, non. Seulement ce baluchon. J'ai l'habitude de le garder à la main. De vos propos, je déduis que vous pensez vous établir ici. Telle n'est pas mon intention. J'espère louer une chambre. Ah, c'est donc bien fait de ne pas vous inviter. Comme par ailleurs, nous avons conclu qu'il ne peut être question d'une parenté entre nous. Si je comprends bien, je dois maintenant me lever et prendre congé. Voyez-vous, général, quoique je manque de savoir-faire et ignore les usages du monde, je savais d'avance que cela se passerait ainsi entre nous. Adieu donc, et pardonnez-moi de vous avoir importuné. Une minute, prince. Il est de fait que je ne vous connais pas, et que par conséquent... Mais Elisabeth Prokofievna, ma femme, sera peut-être désireuse de voir son parent. Reprenez donc votre place. Et attendez que je signe mon courrier, si vous en avez le temps. Oh, pour ce qui est du temps, j'en ai de reste. Mais j'ai peur de vous déranger, cela m'inquiète. Non, écoutez, prince, si vous êtes réellement tel que vous semblez être, tout change et j'aurai plaisir à faire votre connaissance. Oui, oui, je suis sûr que vous avez reçu une bonne éducation. Mais quel âge avez-vous? 26 ans. Hein? Je vous aurais cru beaucoup plus jeune. Avez-vous quelques moyens de vie? Excusez-moi de vous poser cette question. Je vous répondrai franchement. Je n'ai pas de moyens et je n'ai aucun poste en vue. Il est vrai que j'ai une affaire à régler. Une affaire importante qui, peut-être, me permettra... C'était « L'idiot », un feuilleton de Serge Govide inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, Marcel Bozufi, Jean-Jacques Delbeau, Pierre Noël, Pierre Hamel et Pierre Bertin. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.